L'agence de presse TASS de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, l'agence de presse Godot du Japon, la VOA des États-Unis et l'UNI de l'Inde ont informé promptement le 29 juin de la nouvelle de promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée.